Grâce aux résultats de recherche fournis par des études récentes, on peut constater que Louis XIV et ses principaux acteurs politiques chargés des affaires allemandes disposaient de connaissances détaillées et remarquablement fondées de la structure complexe de l'organisation politique du Saint-Empire, ainsi que des divers mécanismes qui en étaient les éléments caractéristiques. Mais le roi, ses principaux conseillers politiques, concernant les affaires du Saint-Empire et ses diplomates envoyés en Allemagne, avaient des difficultés à bien comprendre les rapports très complexes existant entre le pouvoir de l'empereur et celui des princes, c'est-à-dire des états d'empire, des rapports qui n'étaient pas clairement déterminés et sans équivoque. C'est à juste titre que notre collègue allemand Guido Braun, qui a soutenu une thèse sous la direction de mon cher collègue Lucien Belli, et il a constaté, c'est-à-dire M. Braun, je le cite, « En effet, s'il y a un aspect particulier qui apparaît très clairement dans la majorité des sources que nous venons d'étudier, c'est la tendance des Français à interpréter l'ordre politique du Saint-Empire d'une façon dichotomatique, en opposant les États d'un côté à l'empereur de l'autre. Or, cette dichotomie simplifie les réalités constitutionnelles de l'Allemagne. Les clivages politiques, religieux, constitutionnels, dynastiques, etc., ne manquaient pas entre les États, et on peut même prétendre qu'il était un élément structurel de ce système que, dans ce genre de conflit entre les États, certains d'entre eux cherchaient l'appui et le soutien de l'empereur. Ce dernier jouait aussi un rôle protecteur face aux petits États et à une grande partie des villes impériales soucieuses de garder leur indépendance des territoires princiers qui les entouraient. Nous pensons que le véritable problème des Français de l'époque était de se dégager de cette conception dichotomique. S'ils ont bien fait des progrès à ce propos au XVIIIe siècle, s'en tenir à une telle dualité fut peut-être l'erreur fondamentale du siècle de Louis XIV à l'égard de l'Allemagne. Fin de citation. Quant à la maison d'Autriche, on connaît sa conception de la problématique de la succession d'Espagne, qui vient d'être évoquée déjà par Lucien Belli. En cas d'extinction de la branche aînée, la totalité du patrimoine devait revenir à la branche cadette, en l'espèce à l'empereur Léopold, les droits des reines de France, Anne d'Autriche et Marie-Thérèse, étant annulés par des renonciations en bonne et due forme au moment de leur mariage. Mais, comme vous le savez tous, la validité de ces renonciations fut contestée aussitôt par les responsables politiques français. L'attitude de Léopold Ier a d'abord beaucoup varié selon les circonstances et les conjonctures politiques. Elle dépendait en premier lieu de ses capacités de faire valoir ses prétentions successorales. Je cite, mais d'une manière générale, la stratégie du Habsbourg consistait à avoir les mains libres pour mieux défendre son patrimoine. Fin de citation. La très grande majorité des États d'Empire n'eut qu'un objectif politique fondamental après la fin de la guerre de 30 ans. Ce fut le maintien de la paix pour l'Empire et pour leur propre territoire. C'est pourquoi ils considéraient les ambitions dynastiques et politiques des Habsbourg autrichiens avec beaucoup de méfiance. Les États d'Empire ne voulaient pas être entraînés dans un nouveau grand conflit que Vienne risquait de déclencher en poursuivant ses ambitions dynastiques à propos du problème de la succession d'Espagne. Pour la très grande majorité des États d'Empire, Ce problème de la succession d'Espagne ne rangeait pas au premier plan de leurs intérêts politiques, loin de là. Dans les années 1680, les années du grand tournant, l'attitude de Léopold Ier se durcit beaucoup, non seulement à l'égard du problème de la succession d'Espagne, mais aussi à l'égard de Louis XIV. Depuis 1668, l'année du traité de partage, la situation politique générale avait considérablement évolué en faveur de l'empereur, grâce au succès remporté par les armées impériales au sud-est de la monarchie autrichienne, après la défaite que les Ottomans eurent subie devant Vienne en 1683, la position de l'empereur au sein de l'Empire se fut beaucoup renforcée et la politique du roi de France eut pour conséquence, c'est-à-dire la politique du roi de France qu'il menait à l'égard de l'Allemagne, eut pour conséquence qu'un grand nombre d'États d'Empire se rangeaient de plus en plus et de plus en plus ouvertement du côté de l'empereur, parce qu'il cherchait la protection de l'empereur et de l'empire contre les actions françaises menaçant leur territoire. Pour Versailles, les Habsbourg autrichiens étaient devenus un ennemi redoutable et étaient d'autant plus à craindre s'ils réussissaient à se procurer le soutien politique et militaire de la majorité des États d'Empire, s'ils pouvaient avoir recours aux ressources politiques, financières et militaires de l'Empire. Le décès de Charles et l'ouverture de son testament du 3 octobre amenèrent un changement complet de la situation politique générale. Selon le testament du défunt, la succession d'Espagne devait passer aux Bourbons, comme vous le savez. Elle ne passerait aux Habsbourg autrichiens qu'au cas où le roi de France refusait d'accepter le testament. Le décès de Charles II, attendu depuis longtemps, intensifia non seulement les activités politiques déployées par les cours directement concernées, mais aussi les efforts des autres puissances qui, avant tout, voulaient empêcher le déclenchement d'un grand conflit européen. Selon l'opinion de ces dernières, la guerre n'était pas fatale, du moins une guerre générale. Mais malgré tous les efforts faits de part et d'autre, en vue de sauvegarder, la mort de Charles II déclencha finalement une évolution qui aboutit non seulement à une guerre européenne, mais aussi à un changement fondamental du système international. Vienne fut informée des détails du testament de Charles II par le rapport de l'ambassadeur impérial à Madrid datant du 6 octobre 1700. L'empereur et ses conseillers en furent consternés. Vu la gravité de l'état de santé de Charles II, on comprit qu'il ne restait plus le temps nécessaire pour convaincre le roi moribond de réviser son testament en faveur des Habsbourg de la branche autrichienne. Après avoir été informé du décès de Charles, l'empereur et ses conseillers se réunirent le 10 novembre 1700 pour examiner la situation politique générale. Léopold refusa de reconnaître le fait accompli et se déclara le légataire universel de son neveu Charles II. Le représentant français auprès de la cour de Vienne rapporta que tous ceux qui connaissent bien l'empereur disent que ce prince n'a jamais été si excité. L'ambassadeur était sûr que Léopold voulait une réaction militaire, même s'il ne pouvait disposer que de ses propres troupes. Cependant, les conseillers de l'empereur n'ignoraient pas que l'Autriche n'était pas préparée à une guerre. Le vice-chancelier Kaunitz, évoqua le mauvais état de l'armée impériale et il souligna que l'empereur pouvait envoyer en Italie au mieux une armée de 30 000 soldats, tandis que le roi de France était capable de mobiliser une armée de 100 000 hommes en peu de temps. Si l'empereur insistait sur sa décision de vouloir mettre militairement toute la monarchie espagnole ou des parties de ses territoires sous son contrôle, il risquerait de tout perdre. En fin de compte, la conférence secrète prit la décision de préparer la formation d'une armée qui devait être envoyée en Italie. Le 21 novembre 1700, le prince Eugène de Savoie en fut nommé commandeur en chef. Dans les semaines et les mois suivants, les tensions politiques ne cessaient d'augmenter parce que non seulement Louis XIV, mais aussi Léopold était convaincu qu'il devait sauvegarder fermement ce qu'il considérait comme leur droit légitime. Je cite, « The war eventually started because the various participants had opposing interests which were important enough to fight for their bottom lines. » Le 7 septembre 1701, l'alliance de La Haye, la grande alliance, fut conclue entre les puissances maritimes et l'empereur, et les fautes commises par Louis XIV ont beaucoup contribué à ce que la Grande-Bretagne et les États généraux des Provinces-Unies s'étaient rapprochés de plus en plus de Léopold. Dans l'article 3 du traité de la Grande Alliance fut fixé que, pendant 2 mois, les alliés, et je cite, « emploieraient tous leurs soins et offices pour obtenir amiablement et par une transaction ferme et solide une satisfaction juste et raisonnable pour Sa Majesté impériale au sujet de la dite succession et la sûreté dont il a été fait mention ci-dessus, c'est-à-dire la paix et la tranquillité de toute l'Europe, pour Sa Majesté britannique et pour les seigneurs des États généraux des Provinces Unies. » Fin de citation. En somme, le traité stipulait que le royaume d'Espagne demeurerait au Bourbon Philippe V. Toutefois, celui-ci devait céder aux Habsbourg les Pays-Bas espagnols et ses possessions italiennes, le Milanais avec toutes ses dépendances, comme étant un fief de l'Empire, les royaumes de Naples et de Sicile, les îles de la mer Méditerranée avec les terres dépendant de l'Espagne le long de la côte de Toscane. Les Pays-Bas espagnols, devenus autrichiens, devraient servir de rempart et de barrière pour éloigner la France de la République des Provinces-Unies et faire, comme par le passé, la sûreté des seigneurs des États généraux. La réalisation de la Grande Alliance favorisa beaucoup les efforts de l'empereur de mobiliser l'Empire, du moins la grande majorité des États d'Empire contre Louis XIV. Que Léopold fût fermement décidé de ne pas renoncer au droit de succession de sa maison et de mener même une guerre contre Louis XIV et Philippe V indique aussi une affaire étonnante qui vient d'être découverte très récemment par mon collègue allemand, le professeur Christoph Kampmann de l'Université de Marbourg, qui est mon successeur sur la chaire d'histoire de l'université. Le 28 décembre 1701, l'empereur donna l'ordre au comte Jean-Frédéric de Zeilern, son représentant auprès de la Diète de l'Empire à Ratisbonne, de faire enlever et arrêter Louis Rousseau de Chamois, envoyé comme ministre plénipotentiaire du roi de France auprès de la Diète. Zeilern fut chargé d'examiner les moyens nécessaires pour la réalisation de ce projet. D'autre part, il devait donner son opinion à l'égard de la question de savoir quelles seraient les réactions probables de la diète. Considérant la gravité et les conséquences inévitables que provoquerait l'enlèvement d'un diplomate français en temps de paix, on peut supposer que l'empereur, que Léopold Ier, voulut démontrer sa ferme décision de ne pas reculer devant une guerre pour réaliser ses desseins. L'enlèvement et l'arrestation du diplomate français auraient été un attentat contre l'immunité d'un diplomate et contre ce qu'on disait à l'époque, contre le droit des gens. Une telle action aurait provoqué une émotion générale, non seulement à Ratisbonne, mais aussi en Europe. Dans cette action envisagée se manifeste, à mon avis, la stratégie, et maintenant on peut le dire vraiment ouvertement, la stratégie agressive de Léopold. Il voulut rendre la rupture avec Louis XIV irrévocable et obliger les États d'Empire de se déclarer sans équivoque pour ou contre l'empereur, pour ou contre lui. Finalement, il renonça à son projet. Zeilan avait évoqué les grandes difficultés militaires et les risques que couraient les États d'Empire qui participeraient à cette action. Les arguments défavorables de Zeilan firent impression à Vienne. Cependant, la stratégie poursuivie par l'empereur à l'égard des États d'Empire fut couronnée de succès. Exception faite de la Bavière, de l'archevêque électeur de Cologne, les efforts effectués par la France auprès des autres États d'Empire de prendre parti pour la France ou de rester neutre dans une guerre qui éclaterait entre le roi de France et l'empereur échouèrent. En mars 1701, l'électeur Maximilien II Emmanuel de Bavière conclut une alliance avec Louis XIV, le frère de l'électeur de Bavière, Joseph Clément, l'archevêque et électeur de Cologne, avait signé son traité d'alliance avec la France le 13 février 1701. Le 30 septembre 1702, l'Empire déclara la guerre à Louis XIV et au duc d'Anjou, c'est-à-dire à Philippe V. Toute neutralité et tout commerce avec la France et l'Espagne furent défendus aux membres de l'Empire. D'autre part, la Diète signala qu'elle était prête à adhérer à la Grande Alliance. Après que la Diète ait voté cette décision, l'empereur publia le 6 octobre 1702 la déclaration de guerre de l'Empire en bonne et due forme. Et le 15 mai 1702, l'Angleterre, les seigneurs des États généraux des Provinces Unies, des Pays-Bas, et Léopold Ier déclarèrent la guerre à la France et à l'Espagne. Louis XIV attendit jusqu'au 3 juillet pour répondre par un acte de même nature. Il est indéniable que Léopold a poursuivi, du moins après le décès de Charles II, une tactique politique ayant pour objectif d'augmenter les tensions entre lui et Louis XIV. Ainsi, il a largement contribué au déclenchement de la guerre, à laquelle, d'ailleurs, Louis XIV s'est préparé à temps, même s'il aurait préféré l'éviter. Jusqu'à sa mort, survenue le 5 mai 1705, Léopold ne cessait pas de se battre pour ce qu'il considérait comme les droits légitimes de sa maison. Ses successeurs, les successeurs de Léopold, les empereurs Joseph Ier et Charles VI, ne changèrent pas leur position concernant la succession d'Espagne. La grande majorité des États d'Empire continuait à demander une révision des règlements de la paix de Ryswick de 1697 et de la paix de Westphalie qui concernait l'Allemagne. Elle souhaitait aussi qu'il soit établi une forte barrière sur le Rhin qui les protégerait à l'avenir contre des invasions françaises. Cependant, des changements arrivés sur le plan des acteurs principaux politiques en Angleterre et le décès de Joseph Ier en 1711 bouleversèrent la situation politique internationale. Si le successeur de Joseph Ier, Charles VI, suivait sur le trône espagnol et restait en même temps l'empereur du Saint-Empire, le fantôme de la monarchie universelle ne menacerait plus du côté des Bourbons, mais de celui des Habsbourg. Ces deux perspectives n'étaient pas acceptables pour les puissances maritimes. Au cours des négociations de paix à Utrecht, à Rastatt et à Bade, l'empereur et l'empire furent obligés de faire de grandes, comme vous le savez tous, de grandes concessions. Les Habsbourg aux Autrichiens obtinrent les duchés de Milan, de Mantoue, les royaumes de Naples et de Sardaigne, ainsi que les Pays-Bas espagnols, qui devinrent les Pays-Bas autrichiens. L'empire devait renoncer à sa demande de lui restituer l'Alsace et les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun. Les traités d'Utrecht, de Rastatt et de Bade marquèrent la fin du rêve de monarchie universelle de la maison d'Autriche, si tant est qu'elle y adhérait encore vraiment à cette époque. Et je cite Jean Béranger, « tout comme le rêve français d'hégémonie sur l'Europe, car c'était le triomphe du concept anglais d'équilibre européen qui allait dominer les relations internationales des décennies suivantes. Quant à la politique que Léopold Ier menait à l'égard de Louis XIV à partir des années 1680, on doit constater qu'elle a été beaucoup plus dure que l'historiographie allemande l'ait décrite jusqu'à nos jours. Il y a des indices assez importants qui permettent de conclure que l'empereur crut qu'une guerre décisive contre Louis XIV fut inévitable. Il tenait fermement au droit de la maison d'Autriche de succéder en Espagne et il voulait corriger les pertes territoriales que l'Empire avait subies dans les dernières guerres avec le roi de France. Saint-Simon a eu raison lorsqu'il écrivit dans ses mémoires à propos de Léopold, je cite, une laideur ignoble, une mine basse, une simplicité fort éloignée de la pompe impériale ne l'empêchaient pas d'en pousser l'autorité beaucoup plus loin qu'aucun de ses prédécesseurs, si on excepte Charles Quint, et sa vie extérieure, plus monacale que de prince, ne l'empêcha pas de se servir de toutes sortes de voies pour arriver à ses fins. Je vous remercie de votre attention.